dans mes rêves, tu pas là. Que ce que le chaud et le froid dans mes veines, par le bas, par si haut, guide-moi sur ta peau. Que ne verrais-tu le très haut dans ses rêves? Un peu.